الحمد لله الحمد لله رب العالمين لرونج إطاديو سينيور ديز أونيفير. إذا كنت شابا فلا يغرنك شبابك. Dans le cas où tu es jeune, ne sois pas induit en erreur par ta jeunesse. إذا كنت صحيحا فلا تغرنك صحتك. Dans le cas où tu es en bonne santé, ne sois pas induit en erreur par ta bonne santé. إذا كنت قويا فلا تغرنك قوتك. Et dans le cas où tu es fort, ne sois pas induit en erreur par ta force. اخشى الله في شبابك. Crains Dieu vis-à-vis de ta jeunesse. اخشى الله في صحتك. Crains Dieu vis-à-vis de ta bonne santé. اخشى الله في قوتك. Crains Dieu en ce qui concerne ta force et ta puissance. فإن الذي أعطاك قد يأخذ ما أعطى. Parce que celui qui t'a donné, ça veut dire Dieu, peut à tout moment reprendre ce qu'il t'a donné. واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال تعالى في آية كريمة. Dieu dit dans un verset coranique: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. N'approchez pas la fornication. N'approchez pas l'adultère. C'est un acte immoral et une voie pernicieuse ou bien une voie très mauvaise. أمر من الله لكل المسلمين. Un ordre de la part de Dieu le Très-Haut à tous les musulmans. أن لا يقرب الزنا. Qu'il ne s'approche pas de la fornication. Allah لم يقل ولا تزنوا. Dieu n'a pas dit et ne faites pas la fornication. بل قال ولا تقربوا الزنا. Plutôt Dieu a dit n'approchez pas la fornication. بمعنى ليس الحرام هو الزنا فقط. Ceci signifie que l'interdit n'est pas uniquement l'adultère ou bien la fornication. بل كل ما يقرب من الزنا فهو حرام. Ce qu'on comprend de ce verset, c'est que toute chose qui te fait approcher de l'adultère est interdite. N'approchez pas, il a dit, n'approchez pas l'adultère. La taqrabu. Kul ma yuqarrib min az-zina fa huwa haram. An-nadra, le regard. Al-ibtisama, le sourire. Al-kalima as-sahira, la parole magicienne ou la parole qui rend l'autre ensorcelé. الرسالة, le message, l'email, le SMS, etc. الموعد, le rendez-vous. الخلوة, l'isolation ou bien le fait de s'isoler, un homme qui s'isole avec une femme. الملامسة, le toucher ou les caresses, il a akhiri, etc. Akhi, ukhti, frère, sœur, rabbuk, ton Seigneur te dit, yaqulu lak, la taqrab min az-zina, n'approche pas la fornication. Famadha anta fa'il, que vas-tu faire? Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-sadiq al-amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. ذكر اثنين من بين السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Il a cité prière et salut sur lui deux parmi les sept qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aurait aucune ombre à part la sienne. شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. Un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu le Très-Haut et le Tout-Puissant. وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ. Et un homme qui a reçu les avances d'un homme, d'une femme qui a un grand statut, une grande place, un pouvoir et une beauté, فقال إني أخاف الله, et il a dit non, je crains Dieu. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Akhi, ukhti, frère, sœur, mawidouk, ton rendez-vous, makanouk yawm al-qiyama, fi dhillillah. Ton rendez-vous, ta place, ton lieu, le jour de la résurrection, c'est à l'ombre de Dieu. Fala tabta'id anhu bil ma'asi wa zina. Donc ne t'éloigne pas de ce lieu par la désobéissance et par l'adultère. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa auladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbaba al-habibi Muhammadin al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdaru salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. À l'occasion de ces vacances scolaires, اخترتُ أن أتوجه اليوم بالكلام إلى الشباب. J'ai choisi de m'adresser aujourd'hui par mes paroles aux jeunes. وأسأل الله أن يوصل كلامي إلى عقولي وقلوب الشباب المسلم. Et je demande à Dieu de faire arriver mes paroles vers l'esprit ou bien vers la raison et les cœurs de la jeunesse musulmane. Akhi, ukhti, frère, sœur, innakum antumul amal, vous êtes l'espoir, vous représentez l'espoir. Innakum rijalu wa nisa'ul mustaqbal, vous êtes les hommes et les femmes de l'avenir, de demain. As'alukum billah, je vous demande au nom de Dieu, la taj'alu l'islam yaqifu indakum, ne laissez pas l'islam s'arrêter auprès de vous ou à votre niveau. Ne laissez pas l'islam s'arrêter et ne pas arriver jusqu'à vos enfants et les enfants de vos enfants. Sur vos épaules repose une lourde responsabilité. Vous êtes les héritiers. ورثتم الإسلام من آبائكم. Vous avez hérité de l'islam de la part de vos parents. دين الله بين أيديكم. La religion de Dieu se trouve entre vos mains. فماذا أنتم فاعلون? Qu'en allez-vous faire? هل سيضيع الإسلام بفرنسا بعد موت آبائكم? Est-ce que l'islam va disparaître en France après la mort de vos parents? هل ستخرجون من الإسلام أفواجا أفواجا? Allez-vous sortir de l'islam groupe après groupe? إنكم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ وأمام الآباء والأجداد. Vous êtes responsable devant Dieu, devant l'histoire, devant les parents et les ancêtres. مسؤولون على تطبيق الإسلام في حياتكم. Vous êtes responsable, vous avez la responsabilité de mettre en pratique l'islam dans votre vie quotidienne. وعلى تربية أولادكم وتعليمهم الإسلام. Et vous avez aussi la lourde responsabilité d'éduquer vos enfants et leur enseigner l'islam. فاجعلوا من شبابكم وقت تعلم لدينكم. Faites de votre jeunesse un temps, une période pour apprendre votre religion. وقت تقرب من ربكم, une période pour vous approcher plus de votre Seigneur. وقت استعداد للقيام بالمسؤولية, une période de préparation afin de remplir votre mission, afin de remplir votre responsabilité, وَلَيْسَ وَقْتْ جَرِي وَرَأَ الْمَلَدَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ. Et ne faites pas de votre jeunesse un temps fort pour courir derrière les plaisirs et les désirs interdits. فَإِنَّكُمْ لَمْ تُخْلَقُوا لِهَذَا. Parce que vous n'êtes pas créés pour cela. بَلْ خُلِقْتُمْ لِمَا هُوَ أَفْضَلْ. Plutôt, on vous a créé, Dieu vous a créé pour quelque chose de meilleur. فَبِأَيْدِيكُمْ دَوَاءُ الْإِنْسَانِيَةِ وَهُوَ الْإِسْلَامِ. Parce que entre vos mains se trouve le remède de l'humanité entière qui est l'islam. وَمَعَ الْأَسَفِ. Et malheureusement, إِنَّنَا نَرَى بَعْضَ الشَّبَابَ الْمُسْلِمِ. On voit quelques jeunes musulmans, ou une partie de la jeunesse musulmane, يَقُومُ بِبَعْضِ الْمَعَاصِي, qui commettent, qui font quelques péchés, quelques désobéissances, الَّتِي سَأَذْكُرُ الْيَوْمِ, que je vais citer aujourd'hui. كَانَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ وَأَمُرُّ إِلَى التَّفَاصِيلِ. C'était là une introduction et je passe au développement. Al-ma'asiyya al-oula, le premier péché, al-zina, la fornication, al-zina, l'adultère. Sami'atu bi anna hunak ba'd al-shabab, j'ai entendu qu'il y a quelques jeunes, awlad, muslimoun, yusalloun, wa lahum sadiqat. J'ai entendu qu'il y a des garçons musulmans qui font la prière et qui ont des petites copines. Wa banat muslimat musalliyat wa lahunna asdiqa, et des filles musulmanes qui font la prière et en même temps elles ont des petits copains. Alaqat muharram, des relations interdites. Tu'addi ila awlad haram awlad zina, des relations interdites qui aboutissent ou qui donnent des enfants d'interdits, donnent des bâtards, des enfants de zina. Naam. Antum tadrusuna fil madaris. Oui, vous suivez vos études dans des écoles, dans des lycées. Wa tarawna asdiqa'a lakum ghayr muslimin yaf'aluna hadhihi al-umur. Et vous voyez des amis à vous, non musulmans, qui pratiquent ce genre de choses. Wa hunaka hurriya, et vous avez vu qu'il y a une grande liberté, il a akhiré, etc. Walakin, hal hadhi al-ashiya taruddu az-zina halalan. Mais est-ce que tout ce que vous voyez autour de vous, la liberté, toutes les pratiques qui se pratiquent autour de vous, tout cela va rendre l'adultère, le zina, halal, licite. Rabbukum qala lakum, votre Seigneur vous a dit, wa la taqrabu zina, n'approchez pas la fornication et n'approchez pas l'adultère. Al-asdiqa, les amis. Al-hurriya, la liberté. Al-moda, la mode. Al-shayatin, les satans, les démons. Qalu lakum, vous ont dit, iqrabu zina, approchez-vous, s'il vous plaît, approchez-vous de l'adultère. Faman satasma'u, qu'allez-vous écouter, votre Seigneur ou bien les démons et les satans? Faman satasma'u, rabbakum am shayatinakum? Faman satuti'u, rabbakum am shayatinakum? À qui allez-vous obéir, à votre Seigneur ou bien à vos amis et à vos satans? إِذَا كُنْتُمْ فِعْلًا مُسْلِمِينَ فَسَأُذَكِّرُكُمْ مَاذَا يَقُولُ الْإِسْلَامِ. Si vous êtes vraiment des musulmans, je vais vous rappeler ce que l'islam dit. أخي, أختي, يَقُولُ لَكَ الْإِسْلَامِ. Frère ou sœur, l'islam te dit, أولاً, premièrement, نَظْرَةُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ وَإِلَى جِسْمِهَا حَرَامٌ. Le regard de l'homme, qu'il soit homme ou jeune, à l'âge adulte, ou bien 18 ans, 16 ans, etc. Le regard de l'homme, son regard vers une femme et vers son corps est haram, interdit. وَنَظْرَةُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ وَجِسْمِهِ حَرَامِ. Et le regard de la femme, ce regard vers un homme ou vers le corps d'un homme est interdit. وَيَجِبُ عَلَيْكَ غَضُّ الْبَصَرِ. Et tu dois changer le regard, tu dois baisser ou tu dois préserver ton regard lorsque ton regard tombe sur quelque chose d'interdit. Deuxièmement, كلام الرجل مع المرأة من غير ضرورة وخصوصا في ميدان الحب حرام. La conversation d'un homme avec une femme sans nécessité, des paroles sans nécessité, sans besoin, et surtout dans le domaine de l'amour, est interdite. Ou cette conversation est interdite. فَيَجِبُ عَلَيْكَ الْإِبْتِعَادِ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا كُنْتَ رَجُلًا. Dans le cas où tu es un homme, tu dois, frère, t'éloigner des femmes. وَعَنِ الرِّجَالِ إِذَا كُنْتِ امْرَأَةً. Et dans le cas où tu es une femme, ma sœur, tu dois t'éloigner des hommes. أَتَعَجَّبْ لَمَّا أَرَى الْمَرْأَةَ تَبْحَثْ عَنِ الرَّجُلِ. امرأة وتبحث عن الرجال. ما هذا؟ Combien je m'étonne lorsque je vois une femme qui cherche à parler avec des hommes. ثالثا، troisièmement، خلوة الرجل مع المرأة حرام. Le fait d'être seul à seul, un homme avec une femme, est interdit. إلا إذا كانت أمه. À part dans le cas où cette femme et sa maman, ukhta, sa sœur, ibnata, sa fille, ou zawjata, ou bien sa femme, ila akhiri, etc. Wa hakadha falmaw'id bayna ar-rajuli wal-mar'a haram. Et ainsi, le rendez-vous entre un homme et une femme est strictement interdit en islam. Rabi'an, quatrièmement, مس الرجل للمرأة حرام. Le fait qu'un homme touche une femme est strictement interdit en islam. الملامسة, les caresses, والقبلة, le baiser, tout ça c'est interdit, strictement interdit en islam. مم مس امرأة فقد مس النار. هو لا يمس امرأة يمس النار. Celui qui touche une femme en islam et en quelque sorte en train de toucher pas une femme mais le feu de l'enfer. La tandur lil mar'a walakin undur ila jahannam. Ne regarde pas la femme qui est à côté de toi ou devant toi, mais plutôt à travers la femme regarde l'enfer. Khamisan, cinquièmement, az-zina min akbar al kaba'ir. L'adultère représente un péché parmi les plus grands péchés en islam, un péché capital. Hada huwa l'islam. Tel est l'islam. Rabbama yaqulu qa'il. Peut-être quelqu'un va dire inni uhibbu fulana. Fama al-amal? Quelqu'un peut dire j'aime telle fille ou j'aime telle femme, que faire? Aw yaqul hal l'islam ضد العلاقة الجنسية. Ou peut-être quelqu'un va dire est-ce que l'islam s'oppose à la relation intime ou bien la relation sexuelle. الجواب, la réponse, أعجبتك فلانة, telle fille ou telle femme t'a plu, فعليك بالزواج, tu dois faire le mariage. الإسلام لا يحرم العلاقة الجنسية. L'islam ne s'oppose pas, l'islam n'interdit pas la relation sexuelle. يحرمها فقط خارج الزواج. L'islam l'interdit uniquement en dehors du mariage. بل الإسلام جعل من هذه العلاقة عبادة. Plutôt l'islam a fait de cette relation une adoration de Dieu. بل الإسلام وسع وأباح اثنان من النساء وثلاثة وحتى أربعة. Plutôt l'islam a élargi dans ce domaine. Deux femmes, a autorisé même deux femmes, trois ou même quatre. فلا يمكن أن يقول أحد بأن الإسلام ضيق أو شدد. Personne ne peut prétendre que l'islam a rétréci ou bien a endurci envers la relation sexuelle. فقد شدد على الحرام فقط. L'islam a endurci sa position uniquement à la relation en dehors du mariage. Isma'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yatakallam ma'a ash-shabab. Écoutez le prophète, prière et salut sur lui, qui parlait aux jeunes, et à travers ces jeunes-là, il parle en même temps avec vous, avec les jeunes de toute époque et tout lieu. Ya ma'shar ash-shabab, au ensemble de jeunes. Man istata'a minkum al-ba'a فليتزوج. Celui qui a les moyens, qui a la possibilité, qui a la faculté, qu'il se marie. فإنه أغض للبصر. Parce que le mariage préserve le regard. وأحسن للفرج. Et protège le sexe. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء. Et celui qui n'en a pas, celui qui n'a pas les moyens, qui n'a pas la faculté, la possibilité de se marier, il doit observer le jeûne. Parce que le jeûne représente pour lui une protection. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Imma zawaj wa imma siyam. Soit un mariage, soit le jeûne. لِأَنَّ الصِّيَامِ يَكْسِرُ الشَّهْوَةِ. Parce que le jeûne, le fait de ne pas boire et ne pas manger, casse le désir. وَجَاءَ شَابٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ. Un jeûne est venu pour voir le prophète, prière et salut sur lui. وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ لِي فِي زِنَا. Au messager de Dieu, autorise-moi de faire l'adultère. فأقبل القوم عليه فزجروه. Et les présents, c'est-à-dire les compagnons, l'ont empêché, lui ont parlé avec une force, avec une dureté. وقالوا مه مه. Ils lui ont dit, tais-toi, silence. فقال صلى الله عليه وسلم. Et le prophète, prière et salut sur lui, leur dit, ou dit à ce jeune, أدنو مني, approche-toi de moi. وقال له. Et lui dit, أتحبه لأمك. L'aimes-tu, ça veut dire l'adultère, pour ta maman? Tu aimes que ta maman fasse ça avec les hommes, en dehors de ton père? Alala, il a répondu non. Wallahi, par Dieu que non. Ja'alani Allahu fida'ak, que Dieu fasse de moi une protection pour toi. Qala sallallahu alayhi wa sallam, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Le prophète lui dit, de la même manière, tous les gens ne l'aiment pas pour leur maman. Si toi tu l'aimes pas pour ta maman, tout le monde ne l'aime pas pour sa maman. أَفَتُحِبُّهُ لِبْنَتِكَ. L'aimes-tu pour ta fille? قال الشاب. Le jeune a répondu, لَا وَاللَّهِ. Par Dieu que non. يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِ اللَّهُ فِدَاكَ. Au messager de Dieu, que Dieu fasse de moi une protection pour toi. قال صلى الله عليه وسلم, وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبْنَتِهِمْ. De la même manière, tous les gens ne l'aiment pas pour leur fille. أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ. L'aimes-tu pour ta sœur? Ça veut dire l'adultère. Qala la. Le jeune a répondu, par Dieu que non. La wallah. Ja'alani Allahu fidak. Que Dieu fasse de moi une protection pour toi. Qala sallallahu alayhi wa sallam, wa lan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. De la même manière, tous les gens ne l'aiment pas, ça veut dire l'adultère, pour leur sœur. Wa anta imma sataf'al hadhihi al-fahisha imma ma'a ukht ahad aw bint ahad aw ahad. Ça veut dire, toi tu vas accomplir ou tu vas faire ce péché, l'adultère, soit avec la fille de quelqu'un ou la maman de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un, et tout le monde n'aime pas ça. Fa wada yadahu alayhi. Le prophète a posé sa main dessus, ça veut dire sur ce jeune. Wa qala lahu. Et il lui a dit, Allahumma ighfir dhanbahu. Ô Seigneur, absous son péché. Wa tahhir qalbahu. Et purifie son cœur. Wa hassin farjahu. Et préserve son sexe. Falam yakun ba'da dhalika al-fata yaltafitu ila shay. Et par la suite, ce jeune ne s'est jamais retourné pour quelque chose. Ça veut dire, il ne voyait plus les filles et ne courait plus derrière les filles. Rawahu al-Imam Ahmad, rapporté par l'Imam Ahmad. Akhi ukhti, frère, sœur. Lorsque tu es dans l'école ou dans la rue, la tansallah, n'oublie pas Dieu. Indan nadra, la tansallah, lors du regard, n'oublie pas Dieu. Indal ibtisama, la tansallah, lors du sourire, n'oublie pas Dieu. Ida wajadta al-hub fi qalbik, la tansallah. Lorsque tu retrouves les traces de l'amour pour quelqu'un dans ton cœur, n'oublie pas Dieu. Parce que les traces de cet amour représentent Satan. Tu dois voir en ceci Satan qui essaie d'attirer, de t'attirer vers Jahannam, vers l'enfer. Fala hubba fil haram. Nul amour dans le domaine de l'interdit. Wala taqul inni uridu zawaj. Ne dis surtout pas je cherche à me marier. Fayajouz li sadaqa. Donc il m'est permis de nouer une amitié avec cette fille. Parce que je veux me marier. Wal kalima, il m'est permis aussi de parler. Wal liqa min ajli al ma'rifa. Et il m'est permis aussi de me rencontrer avec elle afin de la connaître. وربما من أجل شرح الإسلام لها كي تسلم إذا لم تكن مسلمة. Ou de dire je vais la rencontrer afin de lui expliquer l'islam. Peut-être elle va embrasser l'islam dans le cas où elle n'est pas musulmane, il a akhiré, etc. فهذا كله من حيلة الشيطان. Tout cela vient de la ruse de Satan. فمن أراد الزواج من أراد الحلال فَيَذْهَبْ عِنْدَ الْوَالِدَيْنِ فَلْيَذْهَبْ عِنْدَ الْوَالِدَيْنِ. Celui qui cherche vraiment le mariage, qui cherche vraiment le licite, il n'a qu'à partir vers les parents de cette fille. كُلُّ مَا يُسْتَرْ عَنِ الْوَالِدَيْنِ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ حَرَامٌ وَإِلَّا لِمَاذَا نَسْتُرْ مَاذَا نَسْتُرُ. Toute chose qu'on cache par rapport aux parents signifie qu'elle est interdite. Pourquoi on va cacher des choses? Il n'y a rien à cacher. أختي, sœur, إذا قال لك أحد أحبك, si quelqu'un te dit je t'aime, أموت من حبك, je meurs de ton amour, لا أنام من حبك, je n'arrive pas à dormir la nuit parce que je t'aime, فاعلمي بأنه ذئب, sache ma sœur, والله sache qu'il s'agit d'un loup, يريد افتراسه, qui veut te dévorer, لو كان صادقا La dahaba inda abik, dans le cas où il était sincère, il partirait chez ton père. Wa fil akhir, et à la fin, aqul, je dis, hunaka man yaqul ana shabun fi sin al murahaqa. Je suis un jeune à l'âge de l'adolescence. Aqul, laysa fil islam murahaqa. Il n'y a pas en islam ce qu'on appelle l'adolescence. Al islam fihi taklif min sin 14 sana taqriban. En islam, il y a une responsabilité à partir de l'âge de 14 ans à peu près, imma halal wa imma haram. Soit tu es dans le domaine de l'interdit ou tu es dans le domaine du licite. Et wa hada qul ana shab, quelqu'un va dire je suis jeune. Aw wahda taqul, ou une sœur qui va dire je suis jeune. Wa yajib an aghtanima fatrat shababi, et je dois profiter de la période de ma jeunesse. Kabaqi shabab, comme les autres jeunes. Je dois profiter de la liberté, al-sadaqa, l'amitié, al-hub, l'amour, ila akhiri, etc. Wa min ba'd sa'atou. Et par la suite, je vais faire le repentir. Aqul hadhihi hila shaytaniya kabira. Je dis, il s'agit là d'une grande ruse satanique. Akhi, ukhti, frère, sœur, maw'idou. مكانك يوم القيامة في ظل العرش في ظل الله. Ton rendez-vous, ton lieu, ta place, le jour de la résurrection se trouve à l'ombre du trône de Dieu, à l'ombre de Dieu. موعد أعطاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est un rendez-vous que le prophète prière et saïchoui t'a donné. لما قال, lorsqu'il a dit شاب نشأ في عبادة الله, un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Et un homme qui a été invité à faire l'interdit par, invité par une femme qui a un pouvoir et une beauté, une richesse, et il a dit je crains Dieu. متفقون عليه, unanimement authentique. والشيطان يعرف كل هذا. Et Satan connaît toute cette histoire. ويريد أن يبعدك عن ظل الله. Et Satan cherche à t'éloigner de l'ombre de Dieu. فيقول لك اغتنم شبابك في المعاصي والذنوب. Il va te dire profite de ta jeunesse dans la désobéissance et dans les péchés. فهل ستغرق في الأوحال الشيطانية. Vas-tu te noyer dans la boue satanique, am satartafi' ila al-janna ar-rabbaniyya, ou vas-tu t'élever vers le paradis divin? Al-ma'siyya al-thaniya fi al-libas. Le deuxième ou la deuxième désobéissance est dans le domaine des habits. Akhi ukhti, frère, sœur, إذا كنت مسلما لله فعلا, dans le cas où tu es musulman envers Dieu, ça veut dire soumis à Dieu, فالإسلام يقول لك, الإسلام تدي استر عورتك باللباس, كاش تبارتي انتيم devant les autres, cache ta partie intime avec des vêtements. وأذكر أن عورة المرأة كل الجسم إلا الوجه والكفين. Et je rappelle que la partie intime d'une femme ou d'une fille est tout son corps à part le visage et les deux mains. واللباس فيه أربعة شروط. Et le vêtement doit remplir quatre conditions. أولا, premièrement, واسع, un vêtement large, غير ضيق, et non pas moulant ou serrant. لأن الضيق يصف الأعضاء, parce que le vêtement qui serre le corps d'une femme va décrire ses parties. ثانياً, ou ses organes. ثانياً, deuxièmement, غير شفاف, non transparent. لأن الشفاف يبين ما تحته, parce que le vêtement transparent laisse apparaître ce qui est en dessous de lui. ثالثاً, ساتر لكل العورة. Troisièmement, un vêtement qui couvre toute la partie intime, qui ne doit pas laisser voir les cheveux, ou les oreilles, ou la nuque, ou la poitrine, etc. رابعاً, quatrièmement, أن لا يكون فتنة. Et que ces vêtements ne soient pas, ou le vêtement en lui-même ne doit pas représenter une séduction. Il y a toujours un rijal qui attire les hommes, il a un nisa qui attire les hommes vers les femmes, ou il axe ou le contraire qui attire les femmes vers les hommes. Mais malheureusement, on remarque que quelques garçons parmi les prieurs, ou بعض البنات المصليات, ou quelques filles prieuses, la يحترمون هذه الشروط, ne respectent pas ces conditions. لأنهم يتبعون الموضة, parce qu'ils suivent la mode. وأتساءل, هل المسلم يتبع الموضة أم يتبع ربه؟ Et je m'interroge, est-ce que le musulman suit la mode, ou doit suivre la mode, ou bien doit suivre son Seigneur? إذا تعارضت الموضة مع الدين, dans le cas où la mode s'oppose à ta religion, قالت لك الموضة اكشف عورتك. Le jour où la mode va te dire, dévoile ta partie intime. Que vas-tu faire? Et je donne quelques exemples. Ces filles musulmanes qui portent des habits serrés et un pantalon serré, trop serré même. Et sortent à la rue. كل أعضاء الأنوثة بارزة. Tous les organes, toutes les parties de féminité chez la femme sont bien exposées, bien apparents. أين الحياء؟ Où est la pudeur؟ هذا الشيء ظاهر من تحت الثياب. Ces parties de la femme sont apparentes en dessous des habits malgré qu'elle est habillée. وهذه الأعضاء كأنها ستمزق الثياب. Et ces parties de son corps vont presque déchirer les habits, parce que les habits sont très très très serrés. Aïn al-haya? Où est la pudeur? Aïn al-khawf min Allah? Où est la crainte de Dieu? Aïn al-islam? Où est l'islam? Haoula in nisa, qala anhum al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. À ces femmes, le prophète prière et sage lui a dit, elles n'entreront pas au paradis et ne trouveront pas son parfum. Parce que ces femmes sont habillées, mais en même temps déshabillées. En ce qui concerne les garçons, il y a eu actuellement la nouvelle mode du pantalon avec taille basse. Jahannam basse, la GN basse, l'enfer bas. الولد واقف أو يمشي. Tu vois le garçon qui est debout ou bien en train de marcher. والمصيبة, et le malheur, أعلى إليتيه ظاهرتان, et les deux parties supérieures de son postérieur sont apparentes, visibles. والإسلام يقول الإليتان عورة مغلظة. Et l'islam dit que les deux parties du postérieur constituent pour l'homme ou la femme une partie intime, intense. Ayyumura hadihi. De quel mode s'agit-il? Ou al musriba? هناك حتى بعض البنات المسلمات يفعلن هذا. Le malheur, il y a même quelques filles musulmanes qui font cela. بدأنا يلبسن هذا السروال الهابط. Des filles musulmanes qui ont commencé à porter ce pantalon descendu, qui descend. لا حول ولا قوة. Et c'est la morale qui descend. وكذلك بعض الرجال. Et de la même manière, quelques hommes ont commencé à faire cela. أين الحياء؟ Où est la pudeur؟ أين الإسلام؟ Où est l'islam؟ والله لما رأيت هذا الشيء أول مرة, lorsque j'ai vu ceci pour la première fois, كان غير المسلمين يقومون بهذا الشيء. C'était des non-musulmans. قلت أبدا عمر المسلم ولا يقوم بهذا الشيء. Je me suis dit jamais un musulman ne va les suivre. ومع الأسف, mais malheureusement. أين الخوف من الله؟ Où est la crainte vis-à-vis de Dieu؟ هذا اللباس حرام سواء في الشارع أو في الصلاة. Ce pantalon est strictement interdit en islam, soit dans la rue ou dans la prière. Ça veut dire dans la mosquée, la prière n'est pas valable si on fait la prière avec ce genre de pantalon. Al-ma'siyat thalitha wal akhira, la troisième et dernière désobéissance, al-intihar fi sujoun, le suicide en prison. Et je m'interroge, pourquoi le musulman entre-t-il dans la prison? Pourquoi les prisons en France sont pleines des musulmans? Pourquoi? Pourquoi moi, musulman, va faire des choses interdites qui me font entrer dans la prison? Et par la suite, je pense au suicide. Imma trukuni ufsid fil ard, wa imma antahir. Soit vous me laissez faire la corruption et le désordre sur la terre, soit je vais me suicider. Al-asl, idha akhta al-muslim, wa qama bi'amalin mamnu' qanunan. Dans le cas, en principe, dans le cas où un musulman fait l'erreur et commet quelque chose interdite par la loi, sarata matalan, il a volé par exemple, ba'a al-mukhadirat ila akhir, il a vendu la drogue, etc. wa wajada nafsahu fi sijn, et il s'est retrouvé dans la prison. Al-asl an yatub wa an yandam, en principe il doit regretter, il doit se repentir. An yabki amam Allah fi zinzanatihi, qu'il pleure devant Dieu subhanahu wa ta'ala dans sa prison. Et qu'ils disent après que je retrouve ma liberté, je deviendrai parmi les vertueux dans la société, je vais m'éloigner de la mauvaise fréquentation, etc. Tandis que celui qui préfère le suicide, فالإسلام يقول له الانتحار من أكبر الكبائر. L'islam lui dit, le suicide fait partie des plus grands péchés. الانتحار طريق قصير إلى جهنم. Le suicide est un raccourci qui mène vite vers l'enfer. روحه حياته لك ليست لك هي لله. Ta vie, ton âme ne t'appartient pas. Plutôt, ces deux appartiennent à Dieu. La yajuzu laka fil islam izalat ruhik. Il t'est interdit en islam d'éliminer ta vie ou d'éliminer ton âme. Lianna dhalika haqqun min huquqillah, parce qu'il s'agit d'un droit divin. Fa huwa alladhi yuhyi wa huwa alladhi yumit. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Wa man fa'ala dhalika fa inna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu lahu. Et celui qui va faire, qui va se suicider, le prophète, prière et sagesse, lui dit: man taradda min jabal, celui qui se jette d'une montagne, de la tour Eiffel, d'autres choses. فقتل نفسه, et il s'est donné la mort. فهو في نار جهنم, il sera dans la GN de l'enfer. يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا, il est en train de chuter dans l'enfer et rechuter, rechuter, rechuter pour l'éternité. ومن تحسى سما, celui qui va boire du poison, فقتل نفسه, et il s'est donné la mort à cause de ce poison, dans l'enfer, il aura son poison dans sa main, il est en train de boire son poison, il est en train de se donner la mort d'une façon éternelle, mais dans l'enfer. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Aktafi bihadihi al-thalath ma'asi al-yawm, je me contente de ces trois désobéissances aujourd'hui. Wa aqulu fil akhir, et à la fin je dis, ma'ashara al-shabab al-muslim, ensemble de jeunes musulmans, inna Allah yuhibbukum, Dieu vous aime. Na'am yuhibbukum, oui, il vous aime. Wa ad-dalilu ala hubbihi lakum, et la preuve de son amour pour vous, annahu ja'alakum muslimin, c'est qu'il a fait de vous des musulmans. Hadihi hadiyatun min Allah lakum. L'islam, où il s'agit là, ça veut dire de l'islam, d'un cadeau de la part de Dieu à vous. Fa'iyakum an yahrimakum ash-shaytan min hadihi al-hadiyah. Méfiez-vous que Satan ne vous prive pas de ce cadeau divin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteurs de Dieu أشهد أنكم كرماء من أهل الجود والكرم j'atteste, je témoigne que vous êtes généreux parmi les gens de la générosité. فَلَقَدْ أَصْبَحْتُمْ مَثَلًا بَيْنَ الْمَسَاجِدِ فِي الْعَطَاءِ. Vous êtes devenu une référence chez les mosquées en ce qui concerne la générosité. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْإِيمَانِ. Et ceci constitue une preuve de la foi. فَهَنِيَ لَكُمْ بِجُودِكُمْ. Félicitations à vous pour votre générosité. وَلَكِنَّ الْإِسْلَامَ يَقُولُ. Mais l'islam dit, لا يكون المرء جوادا حتى يبدأ بأهله وبأقرب الناس إليه زوجته أولاده والديه إلى آخره. L'islam dit que l'homme ou l'individu ne peut être généreux que lorsqu'il commence d'abord par ses proches, par sa famille, par exemple sa femme, ses enfants, ses parents, etc. وأنتم تعطون مبالغ كبيرة للمساجد التي تجمع عندنا. Et vous, mes frères, mes sœurs, vous donnez de grandes sommes aux mosquées qui collecte de l'argent dans la nôtre, وَهَذَا شَيْءٌ جَمِيلٌ. Et il s'agit d'une bonne chose. وَلَكِنْ فِي يَوْمِ الْجُمَعِ أو فِي يَوْمِ الْجَمْعِ لِمَسْجِدِنَا حَسَبَ الْإِخْوَةِ يَكُونُ الْمَبْلَغُ صَغِيرًا. Mais le jour où il y a une collecte pour notre ou en faveur de notre mosquée, la somme est petite. فَمِنَ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْإِيمَانِ أَنْ تُعْطُوا كَذَلِكَ لِمَسْجِدِكُمْ هَذَا. Je rappelle que parmi la générosité et la foi, le fait de donner aussi à votre mosquée-ci. Falhamdulillah, a'tana masjidan kabiran wa jamilan. La louange entière est à Dieu qui nous a donné une belle et grande mosquée. Walakin kullama kana al-masjid kabiran kanat masarifuhu kabira. Mais plus la mosquée est grande, plus ses frais sont grands aussi. Wa udhakkir bi anna alladhi yu'ti lil-masjid innama yu'ti lillah. Je rappelle aussi que celui qui donne à la mosquée donne ou ne donne qu'à Dieu. La yu'ti lil-bashar, il ne donne pas à des hommes. Yu'ti li-qabrihi, il donne à sa tombe. Wa lan yandama fi qabrihi li'annahu a'ta fi hayatihi li hadha al-masjid. Et jamais il va regretter dans sa tombe parce qu'il a donné à cette mosquée. Bal yandam fi halat annahu lam yu'ti. Plutôt il va regretter dans le cas où il ne donnait pas. Wa alladhi yu'ti lil-masjid أجره حاصل عند الله من غير شك. Celui qui donne à la mosquée, son salaire est auprès de Dieu sans aucun doute. والمسيرون الذين يأخذون المال مسؤولون أمام الله عن هذا المال. Les dirigeants de cette mosquée qui collectent cet argent sont responsables devant Dieu à propos de cet argent. سيسألهم عن ذلك في يوم الحساب في يوم القيامة. Il va certainement les interroger à propos de cela le jour de l'interrogation, le jour de la résurrection. وكل سنتيم جمرة من جمار جهنم. Et chaque centime est une braise de l'enfer. Nas'alullah lahum at-tawfiq, et on demande à Dieu pour eux de l'aide. رأيتم في الأسبوع الماضي كان عندنا الأستاذ صفوة حجازي. Vous avez vu la semaine passée, on a accueilli le docteur Safwa Hijazi. ووعدنا بالرجوع. Il nous a promis de revenir chez nous. ونريد في لجنة الثقافة الإتيان بعلماء آخرين. Et on veut dans le comité culturel de ramener d'autres savants et d'autres prédicateurs. ولكن هذا يتطلب المال. Mais cela demande de l'argent. فثمن الطائرة, le prix du vol, والفندق, le prix de l'hôtel, etc. ومسجد كهذا من غير أنشطة ودروس وعلماء هو يتيم. Et une telle mosquée, sans activité, sans cours religieux, sans savants et prédicateurs, est une mosquée orpheline. فأطلب منكم أن كل واحد يعطي لله لهذا المسجد في كل شهر مبلغا. Je demande à chacun de vous de donner à Dieu, c'est-à-dire à cette mosquée, pendant chaque mois, une somme, et qu'il respecte cet engagement. Un engagement entre lui et Dieu, 10 euros, 10 euros, 5 euros, 5 euros, ou adhaful iman, wahid, et la foi la plus faible, un seul euro. وبارك الله فيكم وفي مالكم et que Dieu vous bénisse tous et bénisse votre argent وهنيئا لكم بجودكم et félicitations à vous pour votre générosité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت نسألك في هذا اليوم شيئا واحدا. اللهم اهد أولادنا وبناتنا. اللهم اهد لنا أولادنا وبناتنا. اللهم لا تجعل من أولادنا ولا بناتنا غير مسلمين ولا مشركين. اللهم ثبتهم على الإسلام وعلى الإيمان. اللهم اجعلهم موحدين وارزقهم موحدين. اللهم لا تفتنا في أولادنا ولا في ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك في هذا اليوم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.